J'ai longtemps parcouru son corps effleuré, cent fois son visage. J'ai trouvé de l'or et même quelques étoiles en essuyant ses larmes. J'ai appris par cœur la pureté de ses formes. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est l'heure est grave et on se retrouve cette semaine autour d'un plateau d'invités exceptionnels pour parler d'une période bénie de la musique française, une période de rêve, une période de tous les possibles. Je veux bien sûr parler de l'année 2003. Et ce soir, on retrouve votre chroniqueur favori, celui qui ne m'abandonne jamais, lui, Gigé. Bonsoir Gigé. Bonsoir à tous, je suis ravi d'être le nouveau co-host de cette émission. On reçoit également l'irréductible Gaulois, le passionné de sable fin d'Île de Beauté, Pierre. Bonsoir Pierre. Bonsoir Gaspard, bonsoir Gigé. Ça a été un grand travail pour devenir co-host. Je suis assez déçu de ne pas avoir été choisi. On ne pensait pas être capable d'être en mesure un jour de l'accueillir. Il est celui pour lequel toutes les télés, toutes les radios se sont battues, mais personne n'a fait le poids. Celui qu'on a dû et su arracher aux meilleures émissions pour se payer l'exclusivité, le petit prince des villes, le magicien des mots, El Fenomeno, Jack. Bonsoir Jack. Bonsoir, bonsoir. Ravi et très ému. Et on se retrouve ce soir pour évoquer ensemble le tournant musical qu'a représenté l'année 2003. On vous parle cette semaine de Kyo et de leur album Le Chemin. Un album qui a marqué les générations, peut-être les booms des meilleurs et les crises d'ado des plus sensibles. Ils se rencontrent au lycée en 1994 et alors enchaînent les concerts en kermesse et balles de fin d'année. Ils ont d'ailleurs pensé à nommer leur groupe Daft Punk au début, mais c'était écrit par des petits mecs de Versailles. Ils ont décroché un premier contrat chez Sony en 97 et ils ont démarré une année de folie puisqu'ils ont fait la première partie de David Hallyday. Et apparemment, Laetitia demande les droits. Oui, toujours aussi de alors, Kyo. Justement, on attend une réponse sur notre lettre à Johnny. Si tu nous entends, Johnny, tu es toujours l'invité dans cette émission. Après un premier album passé inaperçu en 2000, comme le tien, JG, leur second album, Le Chemin, en 2003, est un véritable carton. Un troisième album l'année suivante qui s'appelle 300 Lésions, comme toi, JG, et qui ne se vend que à 500 000 exemplaires. Tout en 2014, l'album L'Équilibre marque alors leur grand retour et s'inscrit aussitôt dans le top 11 des meilleures ventes de l'année. Et si je dis top 11, c'est parce qu'ils sont arrivés 11e. Top 20. Un cinquième album d'ailleurs en 2017 qui s'appelle Dans la peau. Et cette année, on est très heureux, on a déjà nos billets. Ils vont faire leur premier Bercy en novembre 2018. Assez récemment, j'écoutais la radio. Tu buvais ta petite tasse de thé ou pas? Ouais, tout le temps, tu sais. C'est juste avant de me masturber, j'ai toujours une petite tasse de thé. Maman! Maman, t'avais chauffé l'eau! Je vais me coucher là! D'ailleurs, ne rentre pas dans ma chambre, maman! Et j'entends un truc qui était pas trop mal, et en fait, je me suis senti très bête quand c'était Kyo, leur dernier album, une chanson qui s'appelle Le Graal, et donc j'ai pas pu réécouter ça. Ça aurait pu sembler surprenant de parler Kyo sans parler masturbation, acné ou biactol, mais du coup, on va commencer et rentrer enfin dans le dur du sujet pour pas faire de mauvais jeu de mots. Le dur du sujet. Il y a un jeu de mots avec sujet, c'est ça. Donc, on a épuisé toutes les blagues sur la masturbation, n'ayez crainte. C'est ce que tu crois. Aujourd'hui, nous allons donc parler du Chemin. C'est le deuxième album de Kyo qui est sorti le 13 janvier 2003. Écoutez, 2003, on arrive vite aux années collège. Ouais, t'es en pleine adolescence. Qu'est-ce que je me rappelle des années collège, effectivement, les premiers groupes de rock, nos premières ceintures avec effectivement le porte-clés qu'on avait en métal avec les clés au bout. Et ton chien, parce que tu étais punk à chien à l'époque, tu l'avais caché aux parents. Et j'habitais Gare de Lyon. Donc Le Chemin, il reste à ce jour le plus grand succès commercial du groupe, et c'est bien pour ça qu'on a décidé de vous en parler ce soir, parce que quand même, on ne parle pas de n'importe qui, on parle... Kyo quoi, s'il y a un groupe qui a marqué notre adolescence, c'est bien Kyo. Hein. Bah, le U2 français, tout simplement. Quatre singles en sont extraits qu'on étudiera aujourd'hui. Cinq, même. Tu es le meilleur co-host que j'ai jamais eu. Tant que co-host, je tiens bien sûr à préciser que nous vous en ferons quatre et vous aurez un bonus. Ah pardon, cinq. Excuse-moi. Et on ouvre cet album avec la première chanson qui porte le nom de l'album également, Le Chemin, une chanson assez sensuelle. Moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans cette chanson, c'est qu'il y a 12 lignes pour les mêmes couplets. Et après, on s'étonne que DJ Bobo était premier, donc oui. Je prierai à Kyo d'écrire des chansons un peu plus engagées. Tu as remarqué, comme nous venons de le dire en antenne, qu'il y avait uniquement 12 lignes de couplets pour 6 fois le même refrain. Parce qu'il faut dire tout de suite que Kyo, ils sont pas chiés avec les paroles. Il répète très souvent la même chose, quoi. Mais alors, la question, c'est est-ce que c'est vraiment Kyo qui écrit les paroles aussi, hein? Bah, il se vante en tout cas sur Wikipédia d'être le groupe qui a composé toutes les chansons. Bah, il paraît que Ronsard a écrit un peu pour eux. Ah, c'est vrai, parce que moi je pensais plus à une petite fille émo de 14 ans qui était avec ses cheveux bleus et qui pensait peut-être passer à la couleur verte ou violette éventuellement. Tu abordes le thème émo qui est très important et qui est un peu la symbolique principale chez Kyo. C'est quand même un groupe pour ados qui en a marre. Bah, tu le comprends quand même. Rappelle-moi un peu tes premiers chagrins d'amour, Gaspard. Ça m'a amené vers des moments où j'écrivais des phrases aussi subtiles et bien tournées qu'une maison de verre à moitié remplie de ton eau. Ça me fait beaucoup penser, moi, à ces filles qui mettent des posts un peu sur Facebook où tu as ces photos avec une petite mer assez calme dans le fond, puis la phrase philosophique « Oui, cette maison de verre à moitié remplie d'eau », tu sais. Du coup, moi, je voudrais juste vous dire ce que j'en pense. Le chemin, écoutez, moi, qu'est-ce que ça m'a fait ? Pour moi, il a vraiment planté le décor de son album. Il nous explique clairement dans quel mood il est, à savoir une main glacée jusqu'à l'ongle, « Je te hais, mais en fait, de tout mon corps ». Ah, pardon, je déconne, je t'adore. Il part sur des mauvaises bases, il sait pas vraiment où est-ce qu'il va. Je vais faire une chanson d'amour, en fait, bah je suis pas trop sûr parce que je te déteste. Mais moi en fait j'ai vraiment vu cette chanson comme plus proche de la botanique. Parce que moi quand il parle d'une maison de verre remplie d'eau, je voyais une belle serre. Quand je vois, le bouc fouillé du chanteur, je me dis qu'il aime bien quand même les mauvaises herbes. Est-ce qu'on peut décrire physiquement à quoi il ressemble quand même? À force de regarder, s'il vous plaît, parce que je le connais quand même plutôt bien. Du coup ça me saoule un peu quand vous parlez. Alors on va faire une de son physique. Une aparté dans l'aparté. Jack, tu dis que... Ouais, c'est pas très drôle. C'est un peu relou parce que je suis en train de dire justement que j'ai... Et en plus, t'es noir, donc c'est pas très drôle. Ça te fait pas marrer. On n'a jamais rigolé des noirs dans cette émission, je vous rassure. Jamais. Ni de leur énorme sexe. Bah du coup, tu l'as fait deux fois, là. Et toi, chez Kamel, qu'est-ce qui t'est passé des choses avec... Ça manquait d'imitation. Ça fait trois. Ah mais de toute façon, moi j'ai peur que... Faut dire, Salam alaikum Gaspard, on n'a pas imité nos amis nord-africains. Est-ce que les gars, les gens de la halle peuvent arrêter d'écouter. Et c'est quand même déjà très limite et maintenant vous êtes en train de foutre... Ah, ne vois pas du tout de quoi tu parles. Tous les... Abonne-toi, Dak. Il y a qui d'autre, Vite, et ça va frère, je vais te vendre du textile. Allez, encore, t'en as d'autres. En tout cas, effectivement, je connais bien le chanteur de Kyo et il m'a fait promettre que voilà qu'on allait pas non plus parler de son physique et son bouc. Du coup, si on peut continuer sur le chemin et ne pas parler et pas dériver sur... Si on peut rester sur le droit chemin, c'est bravo. C'est vrai. Partir sur son book, ça me saoule un peu en fait. Mais donc, Gigi, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ce book parce qu'au finalement, tu. Allô, tu t'en fous de ma gueule ou quoi, toi? Mais donc, Gigi, parce que je trouve que t'as été extrêmement corporate cette semaine et que tu as travaillé justement ta barbe pour se créer ce book. C'est peut-être le moment de faire une révélation. Gigi, qui es-tu réellement? La fouine. Oui. Oh putain. Et ouais. Voilà, c'est... Non mais tu changes 5 lettres à JG, qu'est-ce que ça fait ? La fouine. La fouine. Voilà. Ouais. Incroyable. Voilà, donc Amdoula, ça va les jeunes. Mais du coup, je veux dire par rapport au clip, quand il faut être debout. Ah mais ça c'est les effets numériques ça. On m'a fait promettre de pas parler de ça, mais non. Technologie après, américaine. Après c'est quand même, bon, c'est vrai qu'il y a des effets numériques assez impressionnants pour faire genre parce que debout. Ouais, moi j'étais persuadé que la... Enfin je dis pas ça pour toi, mais que la fouine avait vraiment... Bah, je vous remercie, mais je voulais pas voler la capacité. Vedette à Kyo. Donc, ce sera sûrement l'objet d'une très belle émission. On pourra parler ça roule. Des nombreuses fois où on me monte et on me démonte dans des clips. En parlant de clips, vous avez pu voir ce magnifique clip du chemin. Très, très sexuel, très, très tendu. Tu m'as souvent dit que c'était ta vidéo préférée pour te masturber le samedi soir. Alors, ça en faisait partie, jusqu'à ce que je découvre YouPorn. Mais j'ai fait 6 ans à blanc là-dessus. C'est vrai que moi, cette histoire d'amour qui termine mal, ça m'a beaucoup rappelé ma vie sentimentale. Qui termine mal, je sais pas trop. Parce que si tu regardes un petit peu le clip, tu les vois tous les deux attachés avec avec des liens. Et au final, ils ont beau tirer sur les liens, ils restent. Tire sur le lien. Ils restent. Et donc, je pense que la philosophie qu'ils avaient derrière, c'était... Je veux m'écarter de toi, mais au final, je n'y arrive pas parce que je t'aime. Quelque chose comme et je te hais de tout mon corps, mais je t'adore encore. C'est un Alexandre frisson. Et oui, l'amour, c'est beau l'amour. D'ailleurs, en parlant d'amour, Gaspard, je cours. Parce que j'allais faire une meilleure transition. J'allais dire que s'ils ont du mal à se détacher de leurs liens, peut-être que la solution pour s'échapper, c'est bien de courir. Avec Usain Bolt. Très sportif. sportive avec Je cours, la deuxième chanson de l'album. Il court courir, il adore le dire puisqu'il le dit au moins une cinquantaine de fois, un peu plus que dans la chanson précédente. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette chanson? Si le titre nous indique qu'il court, il plante le décor en disant je n'ai pas trop d'amis. Regardez en classe, c'est oui. Pas l'extase. C'est pas l'extase, j'ai pas trop d'amis, je suis seul et personne n'a qui le dire, ce qui est le principe d'être voilà, seul en fait. Non mais effectivement il voit toujours pas la vie en rose. Là il a commencé en nous expliquant que la première chanson, bon je savais pas trop où j'allais. La deuxième chanson il est sûr où il va. D'où il va? Bon, il a plus de souffle, il veut pas qu'on l'écoute. Moi, je pense qu'effectivement... Ça va mal. En fait, il réalise juste que c'est un énorme los transparent, quoi. Donc, Mais en même temps, c'est un bouffon. Si à 14 ans, t'es encore vierge, faut pas s'étonner que tout le monde se fout de ta gueule. Hein. Tu vois, je pense que c'était le genre de mec qui était pote avec les surveillants. David, il a triffé au contrôle des étés. Ah, excusez-moi, monsieur Rideau. En fait, c'est vraiment un bolos. Mais moi, j'aime pas trop ce chanteur. J'aime pas trop les paroles. Je trouve que c'est un mec qui a beaucoup de... Tu d'aigreur vis-à-vis de tout le monde. On a vraiment peur qu'il nous fasse un bowling for Columbine à la française. Mais c'est exactement ça. Qui sont le nombre d'écrivains qui ont caché des messages à l'intérieur de leur texte? Kyo a fait exactement la même chose. Il t'avait vu, toi, Gaspard, et voulait t'envoyer un petit message. Je regarde bien, il y a marqué 9/11 was an inside job. An inside Steve Job. Non, effectivement, on sent quand même que le mec est un peu tiraillé. On sent que c'est un peu le mec qui est au fond de la... qui est au premier rang et... On sent que c'est... Tu te souviens de Pierre Lenoir, sans le citer? Oui. Lenoir, tout de suite, on en revient là-dessus. Là. Ah non, Pierre Lenoir était blanc. Parce que Michel Blanc est blanc. Mais il était au fond, et enfin au fond, il était au premier rang, et clairement, c'était quand même notre tête de Turc. Ah bah oui, on aimait se moquer de lui. Sans aucun doute. On peut le dire fort, maintenant il s'est suicidé, donc on peut y aller. Mais c'est vrai que c'était un vrai plaisir de se moquer de lui. D'autant plus que le suicide n'excuse pas tout. S'il a cru qu'il pouvait passer à l'abri des colibés parce qu'il était mort, évidemment. C'était mal. Je sais pas s'il nous écoute, Pierrot. Mais t'étais une burne. C'est Fayot. Si tu nous écoutes avec Johnny, passe-lui le message, il répond plus. Mais JG, j'aimerais quand même que tu vois la valeur du suicide en terminale. Le suicide en terminale permet à tous les étudiants d'avoir leur bac sans avoir à passer le bac. C'est pour ça. Il a rendu ça. Service à la société. Il a failli le faire en première, on lui a dit attends un an, il le fait ce con. Ah, c'est un vrai altruiste. Hein. D'ailleurs, on l'appelait Pierrot le con. Pierrot le con. Hein. Ah non, je suis désolé. Mais si tu te suicides, ils vont pas te passer le bac à toi. Hein. Mmh. C'est sûr. Non, mais c'est pas comme ça que ça marche normalement. Et le clip est assez inintéressant puisque c'est juste eux qui sont en train de chanter sur une scène. Derrière un écran de. Un tableau de classe. De classe, cours, ouais. Mais pour ça, moi je maintiens qu'il existe une version qui n'est plus disponible sur YouTube où on avait 50% Kyo qui chantait devant ce tableau, 50% un étudiant dans un lycée avec un hoodie, une capuche sur la tête qui courait pour enfin aller s'isoler. Ce qui correspondait quand même relativement bien avec tous les autres clips qu'ils ont fait. Surtout qu'au vu de leur physique de beau gosse, ce serait dommage de louper quand même la tête du Renoir à dreadlocks, enfin du faux Renoir en plus, du Zadiste. Moi je l'appelais le prince des ténèbres. Ouais, c'est plus un zadiste, il pourrait sortir de Tolbiac là. Et ce qui est dommage, c'est que je pense que Kyo est en train de jouer en ce moment même dans la cour de Tolbiac pour essayer de reconquérir un public plein de poux. Alors, on pourra en parler dans la chanson d'après. Il y a une chanson dans laquelle il parle de faire la révolution. Et c'est vrai que c'est, je pense que 15 ans après, ça reste bah après, c'est produit à Notre-Dame-des-Landes. Il est temps de conquérir la capitale avec Tolbiac. Et on lâche rien. Hein. On lâche rien. On rend honneur à cette terre qui nous a pondu. J'aimerais aussi préciser que ce clip m'a légèrement donné une sorte de crise hier soir. Je l'ai regardé un petit peu dans le noir et j'avais l'impression d'être épileptique au moment où je l'ai regardé, puisque il y a beaucoup de flashs qui font. C'est quand même relativement particulier. C'est un peu la marque de fabrique. Il hoche la tête quand même assez rapidement. Il a un air un peu. On dirait qu'il fait une crue d'épilepsie toutes les 10 secondes, quoi. Il tient son micro de deux mains et puis il se jette. Parce qu'en fait, c'est quand même des mecs qui ont voulu être les Blink-182 français. Ou ils ont cherché d'être un peu punk, un peu hard rock, alors que bon, c'est un peu des bonnes. Mais Gaspard, être la BO d'American Pie, c'est quand même le truc grandiose de l'époque. Oui, bah enfin, ils ont été la BO de Monsieur Batignolles, hein, c'est pas. Mais surtout que tout le monde les a kiffés quand même à cette époque, donc remettons les. Mais on les kiffe encore aujourd'hui, hein. Regarde, Jack, tu salueras. Ton pote. Non mais on va pas le nier, c'est comme les lacs du Connemara, c'est des chansons que quand tu les as dans la soirée, tu les chantes, t'es à fond et tout le monde hurle, tu les mets, et voilà, tu t'amuses, c'est un peu Indochine. En parlant de chansons qu'on peut balancer en pleine soirée et on peut être sûr que tout le monde va hurler, je vous propose de passer à Dernière Danse. C'est le moment. Je l'ai connu trop tôt, mais c'est pas de ma faute, la flèche a traversé ma peau, c'est une douleur qui se garde. Plus de bien que de mal. Et on reprend avec la chanson Dernière Danse, la troisième chanson de l'album, qui entame pour moi un segment très particulier de cet album Le Chemin, qui est le segment Balance ton porc, puisqu'il va être très chelou en constamment suivant une ex à lui, et il va bien lui faire comprendre que c'est son ex et qu'il souffre. Nous, en 2003, on pensait pas à Balance ton porc. En 2003, bah voilà, je suis in love. Du coup, je vais regarder ma future princesse droit dans les yeux en lui disant. Future princesse, tu viens vraiment de dire l'expression ma future princesse. Écoutez, c'est ce que j'ai utilisé en 2003. En 2018, moi, je me suis mis. Moi, ce qui me fait beaucoup de mal entre ce que vous dites, et je suis vraiment team Jack, c'est que c'est comme ça que j'ai appris à draguer. Et mais donc, comme tout le monde. Si je suis aujourd'hui puissant. Alors, tu regardais ta partenaire et tu disais j'ai longtemps pas. J'ai effleuré 100 fois ton visage. Voilà. Je peux enfin trouver la raison de ma virginité. Et donc je te remercie Gaspard. Je vais non, enfin. Non mais. Mais après moi je suis d'accord avec la profondeur de cette chanson. Vous voulez en parler. Il y a un site que j'aime beaucoup aller visiter lorsque je prépare ces émissions. C'est Genius et Gigi le sait. Et sur cette chanson, j'ai découvert que Kyo avait une communauté de fans qui adorait développer le sous-texte des chansons. Il fallait seulement qu'elle respire. Merci d'avoir enchanté ma vie. Et il y a un type qui a commenté cette chanson en ce couplet en nous expliquant ce que ça voulait dire. Et il a dit que rien qu'en respirant, elle a enchanté sa vie. Ça me tue. Je lui dis, merci d'avoir enchanté ma vie à moi aujourd'hui. Excuse-le d'être insensible et qu'il n'a pas besoin d'une masturbation et un simple souffle. C'est toi qu'il faut dire ça. Peut déclencher le bonheur, non? Mais je pense que une écrivaine qui a été extrêmement intéressante et extrêmement proéminente dans l'écriture de cette chanson est Madison Ivy. Est-ce que vous connaissez Madison Ivy qui... C'est une actrice de cul, non? Non, mais actrice de cul tout de suite. J'ai fait mon plus grand effort pour dire non. Non, je ne dirais pas qui c'est. Pio Vie Amateur 98. Catégorie blowjob, je connais. 1080p ou pas? Lisanne, ouais, actrice de série B, rien d'autre. Jennifer Aniston, nana. Nicole. Pourquoi vous rigolez, les mecs? On parle pas assez de Brie Olson et c'est pas vrai, du fromage. Non, Tory Black, excellent whisky. Ouais. Un whisky coca. Alors pour toutes nos auditrices. Et surtout en plus très chargé. Hein. Okay. Et pour rétablir toutes nos auditrices, ne vous inquiétez pas, vous en aurez aussi. On peut parler de Rocco Siffredi ou Manuel Ferrara. Voilà. Grand homme, grand français parmi les grands français. J'aurais pu être lui à une époque si j'avais choisi le cul. On reprend sur. Pourquoi on s'est. Ouais, je trouve qu'on s'égare quand même très rapidement avec vous. Hein. Ça tourne vraiment très rapidement autour du cul, quoi. On était en train de parler de la chanson qui était c'est quand même. C'est une chanson qui est devenue culte aujourd'hui. Jacques... C'est une chanson que tu peux balancer en soirée et tu peux être sûr que toutes les meufs. Ouais, mais tu vas pécho peut-être. Mais non, pourquoi? Elles vont partir. Balance ça en soirée aujourd'hui, maintenant ça veut dire on s'en va. Je te jure, mais vous foutez de moi. Mais en revanche, pour pécho, good luck. Ouais, sur Dernière Danse, tu peux pas pécho, elles chantent tous. Pécho, effectivement, pas forcément, on n'est pas assuré de pécho. En revanche, c'est quand même l'une des chansons phares des années, début des années 2000, qui va nous permettre clairement de nous rapprocher avec certaines nanas qui s'en souviennent. J'aimerais bien te voir ce moment de partage à 4h du matin où une femme que tu as rencontrée en soirée, tu la regardes dans les yeux et tu chantes Kyo avec elle. Et tu la regardes, tu prends ton air viril et tu lui dis j'ai longtemps parcouru. Et voilà. Tu t'imagines forcément l'autre couplet où tu commences en disant je peux mourir demain. Tu peux. Est-ce que t'as déjà réussi à choper à 4h du matin en 2018 en chantant du Mambo No. 5? Non, mais c'est vraiment une chanson. C'est une chanson qui est devenue culte, évidemment. Après, il y a tout aussi culte. Je pense que le clip est aussi gratiné, puisque il n'y a même pas besoin de le présenter. Je pense que tout le monde a toutes les images en tête de cette banlieue bourgeoise qui n'existe pas en France. Ouais, on dirait un peu Desperitos Wife. Hein. Ah bah disons, bien vu. Tu l'as. Mais on l'avait pas relevé celle-là. Je tenais à dire que je suis co-host ce soir, donc j'ai quand même une primauté sur les blagues. Voilà, la fouine est en train de me choper toutes mes blagues. J'aimerais comprendre en fait ce qui se passe dans ce clip, puisque c'est un type qui vient chanter face à la maison de son ex, et là il y a la moitié de la ville qui débarque pour observer l'ex. Mais je sais pas si Gaspard, tu ne connais pas, tu ne connais pas. Ils ont vu le Porn Revenge et ils ont envie qu'ils se remettent ensemble. Kyo, je le pense, a fait un petit rapprochement avec ce Don Juan qui vient avec sa rose en bas de chez sa belle, alors que là, il vient avec son espace. Bon, j'ai fait une émission sur Don Juan, il ne le fait jamais. Don Juan et Ken. Nous ne parlons pas de tes anciennes émissions, nous parlons juste de celle-ci. On parle de l'avenir. Tu n'as pas vu Don Juan 2? réfléchir un peu. Le retour de donjon. Le retour du donjon. Tom Don. Non, effectivement, c'est forcément c'est un clip. Sur M6 Music Hit. Exactement, quand il t'annonçait un peu les 30 prochaines minutes, effectivement les 15 clips qui allaient arriver, t'étais très content d'avoir Dernière Danse et tu voyais au fond qu'il y avait le clip qui allait dérouler. Maintenant, c'est pas franchement ce qu'on retient. Je pense qu'on s'égare en parlant du clip de cette chanson parce que l'intérêt de cette chanson réside pas tant dans les paroles, mais plus dans la mélodie et surtout dans ce qu'elle a créé. Et c'est une sorte d'icône pour nous qui ne sommes plus des millennials. Nous ne sommes plus la nouvelle génération, nous sommes notre vieux, Madeleine maintenant. De Proust. On est un peu vieux. Exactement. Et donc, c'est une chanson qui, en fait, c'est des souvenirs. Tout le monde la connaît de notre génération et on l'écoute. Mais voilà, comme un bon nombre de merdes. Hein, non, mais qu'on se ment pas. Non, mais obligé d'être grossier. Mais ce que je veux dire, ta gueule. C'est ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que Kyo a créé une manière de chanter qui est. Et ouais, mais c'est pour ça que. Allez, je vous fais. Chansons, range ton sexe quand tu les imites. Non, oui, bah je peux pas le chanter. Mais non, mais. Vraiment. Il le fait dans chaque chanson. Il fait son refrain où effectivement il dit je veux juste une dernière danse, machin, blabla, avant l'ombre et l'indifférence. Et ensuite il y a un grand silence. Et là il change totalement de tonalité. Il fait je peux mourir demain, ça ne change rien, j'ai reçu de ses mains. Ça c'est parce que tu le connais, toi t'es après à l'imiter. Mais me foutez ma gueule, c'était mon arme numéro 1 pour draguer ça. Tu regardais la nana et au moment où tu faisais ce truc, c'est comme NTM et ma Benz, je suis désolé. Et comme DJ Bobo et Chihuahua. Ouais. Mais non, mais c'est vrai, ça fait partie effectivement des quelques coupés qu'on connaît par cœur. Je peux mourir demain, c'est le moment de la chanson où il dit bah tu sais quoi en fait. Il n'y a plus aucune. Je m'en vais. Et en fait, c'est le moment où tu pars seul pour la rendre jalouse. Et là, elle revient vers toi. Et elle te dit je vais faire une Mike Brandt, quoi, me défenestrer. C'est peut-être qu'à ce moment-là qu'on va s'envoyer en l'air, ou plutôt qu'on va tout t'envoyer en l'air. Oh, oh, oh. Il suffit de tout t'envoyer en l'air. Je saurais comment faire, je crois. C'est inscrit dans nos gènes. Je sais qu'on est capable de tout t'envoyer en l'air. Sans regard en arrière. Et nous sommes en direct de Notre-Dame-des-Landes, une vraie chanson de révolutionnaire, tous envoyés en l'air, qui ose faire le pas de la révolution. Venez assister ensemble au réveil d'une génération. C'est ce qui se passe en ce moment, non? Les poux en moins, mais en préparant cette émission, j'ai quand même remarqué, et tout envoyé en l'air fait partie de ces chansons que j'ai pas entendues depuis 10 ans et dont finalement je me rappelle. Et en fait, moi j'ai laissé passer tout ce côté symbolique et des paroles parce que en fait j'avais 13 ans, je pensais qu'à me branler. Donc du coup, je me rappelle juste du rythme, et c'est un rythme qui est plutôt bon. Le rythme. Et il était comment? Il était plutôt rapide non, ou un peu plus? Pas la chanson, pas la chanson. Ok, d'accord. Une autre chanson, Balance ton porc, puisqu'à moi, il y a quand même une chanson qui dit « Envoyer en l'air sans regard en arrière », ça me rappelle mes plus beaux pornos. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de cul. Non, mais c'est quand même l'histoire d'un type qui est en train de dire « Non, regarde, sorte pas qui est derrière toi et envoie-toi en l'air ». 2 ans après le 11 septembre, c'est pas ce qui va être plus fin, je pense. Non. Mais j'ai trouvé ça un peu sorti de nulle part, quoi. Le Allahu Akbar 3 fois à la fin, je me suis dit, c'est un peu too much. Et puis en plus, Israël, ça rime avec rien dans le sens. C'est très étrange, bref. Mais... Excusez-moi, il y a mon collègue qui cherche le où il y a Israël dans le... Alors, le petit Pierre est demandé en face de son micro, s'il vous plaît. Face à toutes ces théories du complot, bon, n'oublions pas que ça reste une belle chanson de gauche qui a envie de réveiller des générations un peu endormies. Totalement. Après, est-ce que Kyo, ce serait les nouveaux 68ards? Ils ont l'air très, très fête de l'UMA. Bah, je l'ai... En fait, s'il y avait un peu moins de spectateurs à la fête de l'UMA, ils pourraient peut-être se représenter. Parce que quand il y a plus de 100 personnes, je suis pas sûr qu'ils soient habitués. Bah, dans le clip, on voit qu'ils sont quand même au moins 30 000. Gaspard, c'est un nouvel art qu'on appelle le flasque. Comme ça, tu danses un petit peu en bougeant ton corps et en essayant de faire en sorte que... C'est très radiophonique ce que tu es en train de faire. C'est très radiophonique. Ouais. C'est le moins qu'on puisse faire, comme disait Kyo dans cette chanson. Tu peux faire encore moins si tu veux en arrêtant de parler. Et on envoie tout en l'air sans regarder en arrière. On oublie, quoi. On oublie. Allez. Hein, c'est vrai que cette chanson, de toute façon, qu'on se le dise entre nous, on n'a pas grand chose à dire. On n'a pas de clip. Absolument pas. Mais on se souvient à peine, effectivement, de l'air, si, à part moi, juger. Moi, je l'aime bien. Moi, je l'aime bien. Qui a dû avoir quelques petites histoires là-dessus, mais bon. En temps donné, j'ai jamais eu une seule histoire. C'est pas en 3 minutes où j'aurais pu en avoir une. Hein. On parlait de fête de l'UMA, on parlait de rouge, et qui dit rouge dit sang, et d'ailleurs, je saigne encore. Qu'est-ce que tu veux, un sparadrap? T'es arrivé un truc, Gaspard? Tout ton dos de quoi? Ça fait mal, crois-moi, une lame enfoncée loin dans mon âme. Regarde en toi, même pas l'ombre d'une lame. Et je saigne encore. Et après avoir largué notre copine on montre que tout va très bien dans la vie, parce que on s'est vachement bien remis de cette rupture, et en fait, pas du tout, ça va très très mal. Non, je déconne, en fait, j'en ai rien à foutre, mais ce que je veux dire, c'est que, bon, c'est quand même une chanson, la chanson de la déprime cette fois-ci. C'est vrai que... Pardon, excuse-moi, vas-y, je t'en prie, je suis l'invité, t'es le... Je suis co-host, je te remercie, tais-toi. Et donc, ce que je disais, c'est... en fait, c'est une merde, quoi, cette chanson, c'est inaudible. Non, mais GG, tu comprends pas. Cet album, c'est l'album des tubes de Kyo. Ils ont sorti que des singles qui ont fait disque de diamant. Je crois pas qu'ils aient fait tous disque de diamant, mais en tout cas, je suis d'accord avec toi pour dire qu'il y a, quand même une sacrée pelletée de tubes. Et certes, c'est pas Jano. Ouais, mais alors, c'est pas Jano, c'est pas Damso non plus. On parle de Rouge. Rapport au Ferrat ? Exactement, rapport au Ferrat. Moi, j'avoue que c'est une chanson où je pleurais à l'époque. Non, même le clip, mais le seul truc intéressant du clip quand t'as 14 ans, c'est la meuf qui pousse le mec sur le lit. C'est un peu la suite de Balance ton port. C'est-à-dire qu'en fait, elle est pas trop d'accord au début. Et puis en plus, après, clairement, elle devient très excitée. Ça finit en grosse galoche. Et effectivement, elle est quand même. On peut arrêter avec les balances ton port. C'est même pas Balance ton port, c'est saut là. Ça n'a rien à voir. C'est quand même hyper chelou ce clip. C'est un mec qui est enfermé dans une chambre avec une camisole. Mais en même temps, son ex en train de. Non, c'est très bizarre. Il y a le mot caressé écrit en énorme dans la pièce en face de lui. Mais c'est ça qui est infâme, c'est que c'est trop facile. Moi, le coup de sortir d'un moment. Mais c'est la suite logique, les gars. Il a commencé avec le chemin, il nous a dit qu'il voulait tout foutre en l'air. En même temps, il était en train de draguer Nana. Il fallait qu'il court. Ouais, elle m'aime pas, je sais pas trop. J'aime pas. Mais Jacques, il finit chez les fous. Bah, il finit. Et bah voilà, là il est avec sa camisole. Il finit même avec des menaces. Il dit je te blesse dans un dernier effort, sale pute. Ah non, il aime caresser ton visage. T'as confondu avec Aurel San. Damso sort de ce corps. Christophe. Et ça fait mal de vivre sans toi. Exactement. Et il est possible qu'on ait. On devrait compter peut-être le nombre de fois où il dit je suis mort dans cette fin, dans tout son album, parce que c'est quand même assez important. Qu'il le fasse. Est-ce qu'on comprenne grâce à Jack, il est encore en vie. Hein. Ouais. Il est dans sa cave, laisse-le tranquille, on va lui apporter des croquettes demain. J'espère en tout cas que ça stimulera son envie d'écrire d'autres paroles, puisqu'il reprend sa fâcheuse manie de répéter à nouveau tout se rouge sur mon corps, tout se rouge sur mon corps, tout se rouge sur mon corps, tout se rouge sur mon corps. Mais Gaspard, est-ce que tu n'as jamais fait l'amour avec des fraises sur ton corps ? Moi, je l'ai fait à d'autres périodes de l'année. Je sais pas si t'as compris, ça arrive une fois par mois. Période. Moi, tu saignes encore. Allez, on l'avait pas faite celle-là. Après les imitations, vous allez au pervers. Non, mais moi, je saigne encore. J'aimerais bien parler de cette camisole. Parce que c'est vrai que c'est une camisole semi-camisole. Puisque le mec est quand même relativement libre à l'intérieur de sa camisole. Et que même moi, je pourrais vous faire un câlin à tous les deux en même temps avec ma camisole. Il prend des ténèbres avec lui. Hein, dans la... On s'en fout de sa camisole. Non, mais pour moi, c'est une... On regarde que la meuf. C'est une chanson. Je dis juste qu'à un moment dans le clip, j'ai vu son boob. Son boob. Tu regarderas un moment dans le clip. Il y a un moment où on voit le téton. Je ne comprends rien à ce qui se passe. Il y a un moment dans le clip, on voit son boob. C'est très furtif, mais on voit le téton. Si j'ai loupé ça, dire je m'en veux. Ouais, mais GG, t'as raté. C'est une grosse regardée que tu faisais encore à ce moment-là. Mais surtout, parlons d'un truc, parce qu'on a quand même pas mal parlé des clips de Kyo. Ça manque de cul, quoi. Ils en parlent. On peut pas avoir une paire de Hinces ou une meuf en maillot. Mais je te le dis, justement, on voit cette paire de Hinces. On en a fini avec ces 5 chansons de l'album Le Chemin, l'occasion de faire un petit bilan sur cet album. Ben moi, j'aimerais bien parler de cette grande randonnée que nous avons vécue ce soir. Par rapport au grand chemin, oui. Exactement, par rapport au grand chemin, merci Gaspard. Et c'est, en fait, c'est tout un travail, ces clips relativement développés avec la partie groupe de rock qui joue dans son garage à la Steve Jobs, puis l'espèce de... Toi qui connais très bien le groupe de rock de Steve Jobs. D'ailleurs. Exactement, et ce qui est un groupe de rock extrêmement développé, qui fait plein de chansons. D'abord, j'aimerais juste dire que Kyo, c'est un groupe qui nous accompagne au quotidien, avec qui on est à toutes les soirées. Kyo, c'est un petit peu comme, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un petit peu comme le lac des Connemara. C'est une chanson qui ressort en soirée, qu'on chante à la tue-tête avec tout le monde, et tout le monde s'amuse, tout le monde s'aime, et c'est génial. Écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire ? Ça a été une belle expérience. De se replonger dans ces années. Première fois que j'interviens ici. Ah bon, ça je te remercie ça. J'ai eu effectivement un petit peu de mal avec toutes les connotations un petit peu raciales, le fait que quelqu'un et en qu'on enregistre nu, ça te dérange pas? Non, mais le fait que quelqu'un en chaise roulante commence un petit peu à attaquer mon physique. Ah non, c'est que mon appartement est en pente, alors du coup on est obligé de mettre des cales derrière ses roues. Ouais, mais on m'avait pas prévenu qu'il fallait ça avec des blagues un peu méchantes. Non, mais on m'a pas prévenu qu'effectivement qu'il fallait le transporter du rez-de-chaussée au 6e étage. Donc ça c'est un peu chiant, mais bref, j'ai passé un bon moment, ça m'a fait très plaisir. Alors, le pire c'est qu'il va falloir redescendre. Ouais, enfin j'ai vu que la fenêtre était ouverte, et à un moment ça sera peut-être plus efficace. Mais ouais, c'est vrai que j'ai passé un bon moment. Ce qui est cool avec ce genre de discussion, c'est que je me suis remémoré des moments sympas de nos années un peu lycée, collège. Clairement, ma conclusion, c'est de dire qu'on retient une seule chanson, c'est Dernière Danse. C'était clairement la chanson. C'était clairement la chanson de Lover. Moi aussi. Ouais. C'est un peu la chanson qui a marqué le groupe Kyo pendant le début des années 2000. Ah, Kyo, tu connais? Et clairement, j'ai trouvé ça très drôle d'aller un petit peu extrapoler sur les chansons où on se souvenait un petit peu de la mélodie, en fait, que dalle, on s'en souvient pas. C'est un voyage dans le temps qu'on te propose. Mais voilà, c'était un peu nos années rebelles, nos années on met des ceintures à clous. Ouais, j'ai mis une boucle d'oreille avec et des... Et on dit des gros mots. On dit des gros mots devant les parents. Je suis content que tu fasses enfin preuve de vérité. Voilà, c'était effectivement un bon moment. On s'est un petit peu remémoré nos différents souvenirs. Je me suis fait un petit peu agresser, mais en même temps, je me suis senti un petit peu bien accueilli. C'est vrai que j'avais un mec en face de moi où je commençais un petit peu à voir au fur et à mesure sa pilosité s'ouvrir parce que les boutons s'ouvraient de plus en plus. Et quand même, j'avais l'impression d'avoir Bec BD devant moi. Il faut fermer les chemises pour lui. Il fait 27 degrés, je tiens à le préciser quand même. Et toi, Gégé, qu'est-ce que tu as pensé de ce magnifique album? Auditeurs et auditrices, j'espère que vous serez ravis de ma première fois en tant que co-host. Et parce que c'est parti pour durer, vu ce qu'on a fait à mon petit Gaspard. J'ai reçu 14 tweets et sur les 14, il y en avait 12 qui étaient vachement emballés. Sinon, moi, ça me fait toujours plaisir de parler. Et que devient Jean Puceau ? Alors, Jean Puceau m'a pas envoyé de message depuis quelques semaines. Va-t-il suivre nos conseils ? À voir. Je pense qu'il a pris un peu le boulard. Du coup, il oublie grâce à qui il s'est dépucelé. Et ça me fait toujours plaisir de parler de Kyo et de musique avec vous. Et ben, j'ai vraiment pu revivre un peu mon adolescence et des sons, ça faisait longtemps que je les avais pas entendus. Pas sûr qu'il y ait quand même grand chose à dire sur ce groupe, mais ça fait pas de mal. Gaspard, un petit mot sur l'album de Kyo ? Bah, exactement ce que tu as dit. En fait, je trouve que c'est pas un groupe qui a marqué les annales, contrairement à certains ici. C'est un groupe qui remue une certaine nostalgie et outre ce tube Dernière Danse dont Jack semble être absolument fan, je trouve que l'album en lui-même regorge de tubes du verbe regorger. C'est un album que j'aime bien, que j'écoute pas souvent, mais on s'était dit que Kyo semble être un puits de blagues et de nostalgie qui ferait du bien. Est-ce que je peux me permettre de vous demander quelques recommandations, Pierre ? Mais bien sûr, mais moi en fait j'ai découvert que Benoît, le chanteur de Kyo, avait fait une petite pièce de théâtre extrêmement intéressante qui s'appelle Les Amis d'enfance. Et donc je recommande à tout le monde d'aller voir Les Amis d'enfance à l'Européen à Pigalle. Moi, quant à moi, écoutez, ça m'a fait super plaisir. Ça, j'espère être peut-être réinvité très prochainement. Parce que j'ai dépend des tweets, hein. J'ai vraiment pris plaisir à venir discuter avec vous. En termes de recommandations, je vais peut-être paraître un petit peu visionnaire, mais je sais pas pourquoi, je le sens bien. Je vous conseille un logiciel qui s'appelle Imule. C'est un âne. Ça va vous paraître un petit peu. Est-ce que ça fonctionne sur la blockchain ou pas? Tu peux écouter ta musique. Armoire pour ranger mes CD. Et bah là, tu peux écouter ta musique elle reste sur ton ordi. Continue d'acheter du vent, hein, Jack. Non, mais il y a un autre logiciel. C'est une espèce de tonnerre et ça s'appelle Winamp et ça nous permet en fait de lire ce que l'âne Imule nous a donné. Moi, j'ai des livres pour lire. J'y crois pas un seul instant. Essaye, tu verras, tu vas voir. Et toi, Gigi? Et même moi, très récemment, j'ai écouté le dernier album, le premier de Vita, à ma connaissance, de Theo Lawrence and the Earths, que j'ai adoré et je recommande à tout le monde de l'écouter. Sinon, n'oubliez pas d'acheter du Bitcoin, ça fonctionne encore du tonnerre. Et surtout, n'oubliez pas les paroles. Merci Gaspard. Et j'aimerais conclure cette émission pour parler de ma prestation en tant que co-host. N'hésitez pas à tweeter, à envoyer des mails à la page. Sur les 14 tweets, il y en avait 9 qui paraissent ton co-hostage. Je vous remercie, je pense que j'ai extrêmement bien co-hosté ce soir. Ouais, je suis assez fier de t'avoir reçu. Ne vous languissez pas trop, ça va revenir bientôt. Et Gaspard, une recommandation pour... J'avais pas prévu de recommandation, mais c'est vrai que si on parle de nostalgie, j'ai vu récemment un film qui jouait très bien sur la question de la nostalgie, que je vous recommande tous, qui s'appelle Ready Player One, par un petit cinéaste qui va bientôt décoller, qui s'appelle Steven Spielberg. Mais non, c'est un très grand film que je vous recommande avec grand plaisir. C'est du bonheur en boîte. Eh bien, je te remercie puisque maintenant c'est le co-host qui termine cette émission. Je vous embrasse très très fort, voilà, les auditeurs. Merci Gaspard pour ta présence chez merci, toi. Merci à toi Gigé. Je me permets du coup de préciser quand même que notre prochain épisode la semaine prochaine sera cinématographique. Et peut-être co-hosté aussi. Non, puisqu'il est déjà enregistré, je tiens à le dire. Je ferai la conclusion. Non, mais ça sera un épisode très cinématographique. Et c'est pas du live. C'est pas du live. Tu dis quoi au mec qui tweet là? Non, mais le mec qui écoute un podcast, il pense que dès qu'il lance le podcast, les quatre mecs se retrouvent en même temps pour réenregistrer. Et Gaspard prend son inspiration de Thierry Ardisson quand même temps, faut que tu comprennes. Alors lui, il est sur une autre planète depuis tout l'heure. Et on parlera d'un autre grand cinéaste de films d'action, puisqu'on parlera de Christopher Nolan et de son film Inception. Et on se retrouve dans un mois pour à nouveau parler musique avec mes quatre lurons. Vanessa. Quatre lurons et non pas mes quatre larrons. Tes deux amis et ton co-host surtout. Puisqu'on parlera. Peut-être que Gaspard, je pourrais devenir co-host à cette. Écoutez, bon, tout dépend des tweets. Hashtag qui pour un co-host, Pierre, Jaco. Ou JG, n'hésitez pas. J'aime cette idée. Hashtag Jaco. Ouais. Nous sommes dans une démocratie, Gaspard. En tout cas, on restera sur un domaine musical, même un peu médicinal, puisqu'on parlera d'un certain docteur. Dis-moi. Langue de velours. Pourquoi merci à tous d'avoir été là ce soir. Un très grand merci à toi, le Gaulois Pierre. Avec grand plaisir, merci beaucoup Gaspard de m'avoir accueilli. Merci JG pour avoir co-hosté cette grande soirée. Et merci à Jacques. Et surtout à Jacques. Cette grande star. Merci les amis. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci beaucoup, c'était super. J'ai adoré. Bonsoir. Bonne soirée. Parfois je les dessine encore. Elle fait partie de moi. Je veux juste une dernière danse avant l'ombre et l'indifférence. Un vertige puis le silence. Je veux juste une dernière danse, une dernière, oh, oh, oh. Une dernière danse, oh, oh, oh. Une dernière danse, oh, oh, oh. Une dernière danse, oh, oh, oh. Je l'ai connu trop tôt, mais c'est pas de ma faute. La flèche a traversé ma peau. C'est une douleur qui se garde, qui fait plus de bien que de mal. Mais je connais l'histoire, il est déjà trop tard. Dans son regard, on peut apercevoir qu'elle se prépare au long voyage. Je veux juste une dernière danse avant l'ombre et l'indifférence. Un vertige puis le silence. Une dernière danse avant l'ombre et l'indifférence. Un vertige puis le silence. Je veux juste une dernière danse, une dernière, oh, oh. Une dernière danse, oh, oh. Une dernière danse, oh, oh. Une dernière danse, oh, oh. Juste une dernière. Son parcouru, son corps effleuré, cent fois son visage. J'ai trouvé de l'or et même quelques étoiles en essuyant ses larmes. Je connais par cœur la puissance de son cœur. Parfois je les dessine encore. Je connais pas le reste. Salut de moi.